Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 43. Du scandale. Définition du scandale. Pourquoi le scandale est un péché spécial? Sa gravité. Les parfaits et le scandale. Faut-il omettre une bonne action à cause du scandale? 1. Le scandale peut-il se définir, une parole ou une action moins droite qui donne aux autres une occasion de ruine spirituelle? Lorsqu'un homme rencontre un objet qui l'expose à tomber, cet obstacle porte, en grec, le nom de scandale. De même, lorsque, dans la voie spirituelle, nous nous trouvons exposés à tomber par l'effet d'une parole ou d'une action d'autrui, cette parole ou cette action s'appelle un scandale. Comme rien n'expose à la ruine spirituelle que ce qui manque de quelque droiture, le scandale peut très bien se définir, une parole ou une action moins droite qui donne une occasion de ruine spirituelle. Note. Moins droite. C'est-à-dire mauvais en soi ou en apparence, car l'apôtre nous dit, abstenez-vous de toute apparence mauvaise. 1 Thessaloniciens 5, 22. Observons que l'on ne se sert pas du mot cause, mais du mot occasion. Si l'occasion est donnée en dehors de notre intention et de la nature de l'acte, elle est purement accidentelle, et le scandale, s'il a lieu, et passif, c'est-à-dire pris. Le scandale est actif sans être passif, lorsque l'on y résiste et qu'il ne produit pas son effet. Fin de la note. 2. Le scandale est-il un péché? Il y a deux sortes de scandales. Le scandale passif, dans celui qui se scandalise en péchant, et le scandale actif, dans celui qui scandalise les autres en leur donnant une occasion de péché. Le scandale passif est toujours un péché dans celui qui est scandalisé, car on ne l'est que tant qu'on fait une chute spirituelle. Le scandale actif est pareillement toujours un péché dans celui qui scandalise, car, ou l'action qu'il fait est un péché, ou elle en a simplement l'apparence, et, dans ce dernier cas, il doit s'en abstenir par charité. Ainsi le scandale, soit actif, soit passif, est toujours un péché. Note. Cette parole, il est nécessaire qu'il y ait des scandales, Matthieu 18, 7, peut s'entendre de plusieurs manières, d'abord, d'une nécessité conditionnelle, car ce que Dieu prévoit arrive infailliblement, ensuite, d'une nécessité finale, pour la manifestation de ceux qui sont éprouvés, enfin, d'une nécessité morale, eu égard à la condition humaine, qui ne se tient pas assez sur ses gardes. En ce dernier sens, il est nécessaire, c'est-à-dire infaillible, qu'il arrive des scandales, comme si un médecin disait, avec un pareil régime, il est nécessaire que ces gens-là soient malades. Fin de la note. 3. Le scandale est-il un péché spécial? Le scandale passif n'est pas un péché spécial, car, à l'occasion d'une parole ou d'une action, on peut tomber dans tout genre de péché. Le scandale indirectement actif, qui, donné par accident, c'est-à-dire sans intention, comme quand une personne, par action ou par parole, occasionne un péché sans autre dessein que de satisfaire sa volonté, n'est pas non plus un péché spécial, ce qui n'est qu'accidentel ne constitue pas l'espèce d'un péché. Mais le scandale directement actif, qui existe quand quelqu'un, par une parole ou par une action déréglée, à l'intention d'entraîner une autre personne au péché, est un péché spécial, par là même que l'on se propose une fin particulière. Ce péché est opposé à la correction fraternelle. 4. Le scandale est-il un péché mortel? Le scandale passif est véniel, lorsqu'il ne consiste pour ainsi dire que dans un simple branchement qui ne fait que ralentir notre marche. Il est mortel, lorsqu'une faute grave se substitue au branchement. Le scandale actif donné sans intention, lorsque quelqu'un fait avec une certaine légèreté et indiscrétion un péché véniel ou un acte qui n'a que l'apparence du mal, est un péché ordinairement véniel, bien qu'il soit mortel parfois, soit parce que l'on fait un péché mortel, soit parce que l'on méprise à tel point le salut du prochain qu'on ne veut pas s'abstenir de certaines actions, de peur de le scandaliser. Le scandale actif, donné avec l'intention d'induire quelqu'un à pécher mortellement, est, à plus forte raison, un péché mortel. Il en est un encore, si l'on se propose d'induire le prochain à un péché véniel par un acte de péché mortel, mais il est véniel seulement, si l'on a l'intention de le porter à un péché véniel par un acte de péché véniel. 5. Le scandale passif peut-il atteindre les parfaits? Saint Jérôme, commentant ces paroles du Sauveur, « Celui qui aura scandalisé un de ses petits-enfants, Matthieu 18, 6, fait observer avec raison que celui qui se scandalise est un petit-enfant. Comme les parfaits ne recherchent que Dieu, dont la bonté est immuable, et ne s'attachent à leur supérieur qu'autant que ceux-ci sont unis eux-mêmes à Jésus-Christ, suivant ces paroles de l'apôtre, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. » 1 Corinthiens 4, 16, quel que soit le dérèglement des paroles qu'ils entendent ou des actions qu'ils voient, ils ne s'écartent pas de leur droit chemin. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont inébranlables comme la montagne de Sion, chantait le psalmiste, « Celui qui demeure dans Jérusalem ne sera point ébranlé. » Psaume 124, 1. Pour cette raison, le scandale ne se rencontre point chez les hommes parfaitement unis à Dieu par l'amour, aussi le psalmiste disait-il encore, une grande paix est le partage de ceux qui aiment votre loi, et ils sont à l'abri du scandale. Psaume 118, 16. 6. Le scandale actif peut-il se trouver chez les hommes parfaits? D'après ce texte de l'apôtre, que tout se fasse avec honnêteté et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 40. Il appartient aux parfaits de prendre la raison pour régler de mettre de l'ordre dans ce qu'ils font. Ils ont cette précaution non seulement dans les choses où ils pourraient pécher, mais dans celles où ils seraient pour les autres un sujet de péché. Si, dans leurs paroles ou leurs actions publiques, ils s'écartent un peu de cette règle, cela tient à la fragilité humaine, et cet écart n'est point assez important pour que les autres en puissent prendre raisonnablement une occasion de péché. Note. Il y a des gens qui, comme les pharisiens, se scandalisent sans sujet. On a dit qu'il n'y a pas de scandale passif sans un scandale actif. Cela est vrai, mais on peut se scandaliser soi-même. Fin de la note. 7. Faut-il renoncer aux biens spirituels à cause du scandale? Parmi les biens spirituels, il y en a qui sont de nécessité de salut. La charité voulant que l'on préfère son salut à celui du prochain, ce qui est de stricte obligation ne doit pas être omis à cause du scandale, il n'est jamais permis de pécher, même vénialement. Quant aux bonnes œuvres qui ne sont point d'obligation pour le salut, nous ne devons pas omettre celles que les méchants, au moyen de certains scandales qu'ils excitent eux-mêmes, voudraient empêcher par pure malice. Jésus-Christ, dans l'Évangile, nous apprend à mépriser le scandale des pharisiens. Matthieu 15. Il n'en est pas de même du scandale des faibles, ainsi appelé parce qu'il vient de la faiblesse ou de l'ignorance, on doit, jusqu'à ce que l'on en ait levé la cause en donnant raison de sa conduite, faire en secret ou différer certaines actions bonnes en elles-mêmes, quand il n'y a aucun danger à agir de la sorte. Mais si, après les explications nécessaires, ce scandale persévère, il paraît être le fruit de la malice, et l'on ne doit plus, à cause de lui, négliger les biens spirituels. 8. Faut-il renoncer à des biens temporels à cause du scandale ? Saint Thomas de Canterbury réclama les biens ecclésiastiques malgré le scandale du roi. Où ces biens ont été confiés à notre garde, où ils sont à nous. Les biens qui nous ont été confiés par l'Église, par l'État, ou même par un simple particulier, ne doivent pas être abandonnés à cause du scandale, leur conservation constitue un devoir rigoureux. Quant aux biens temporels qui sont à nous, et que nous pouvons sacrifier, soit en les donnant si nous les avons, soit en ne les réclamant pas s'ils sont entre les mains d'autrui, quelquefois nous devons y renoncer, mais quelquefois aussi nous ne le devons pas. Lorsque le scandale provient de l'ignorance ou de la faiblesse, ce que nous avons appelé le scandale des faibles, on doit abandonner ces sortes de biens ou donner quelque explication qui fasse voir qu'en les exigeant on use de son droit. Si le scandale est pharisaïque, c'est-à-dire le fait de la malice, renoncer au bien temporel, pour l'empêcher, serait une faiblesse préjudiciable au bien commun. En fournissant ainsi l'occasion de prendre ou de retenir le bien d'autrui, on nuirait au ravisseur lui-même, qui, faute de restitution, croupirait dans son péché. S'il y a des injustices que nous devons tolérer, nous dit Saint Grégoire, il en est d'autres aussi que nous devons arrêter en toute justice, non seulement pour que les voleurs ne nous prennent pas ce qui nous appartient, mais encore de peur qu'après avoir ravi ce qui n'est pas à eux, ils ne se perdent eux-mêmes. Note. Le précepte de notre Seigneur. Si quelqu'un veut plaider contre vous pour prendre votre tunique, abandonnez-lui votre manteau, Matthieu 5, 40, doit s'entendre, comme l'enseigne saint Augustin, de la disposition du cœur, en ce sens qu'il faut être prêt à souffrir, dans le cas où cela est convenable, une injure ou une injustice, plutôt que d'entrer en procès. Mais il peut arriver que cela ne soit pas à propos. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.